Ce jeudi, dans La Fabrique, nous poursuivons et terminons notre semaine consacrée à l'histoire de la péninsule indochinoise et plus particulièrement du Cambodge. Aujourd'hui, au lendemain du 116e anniversaire, oui, de la création de l'École française d'Extrême-Orient, nous vous parlons de cette entreprise diplomatique, politique et culturelle à la fois. Qui dit Cambodge dit heureusement ou malheureusement pour ce pays dit Angkor. Évidemment, nous allons donc ce matin vous parler d'Angkor et de sa découverte, mais aussi du rôle de cette découverte dans la prise en compte par la France coloniale du patrimoine Khmer, ainsi que de la création, il y a donc 116 ans, en janvier 1900, de l'École française d'Extrême-Orient, en prenant la suite évidemment d'une organisation qui lui précédait. Nous le ferons en compagnie de Séverine Yattar, qui a préparé cette semaine avec nous, de Gabrielle Abbe, elle est doctorante en histoire à Paris 1, sous la direction de Hugues Tertré, qui était notre invité hier, et elle prépare une thèse donc sur l'histoire du service des arts cambodgien. Nous serons également avec Amaury Laurin, qui est docteur en histoire à Sciences Po Paris et ancien boursier de l'École française d'Extrême-Orient et qui a fait sa thèse sur Paul Doumer, mais le Paul Doumer, gouverneur général de l'Indochine. Et puis également avec nous Pierre-Yves Manguin, qui est directeur d'études émérite à l'École française d'Extrême-Orient et qui a coordonné en 2001 un livre autour justement de l'histoire de cette école. Et les textes que nous allons, dont nous allons parsemer cette émission aujourd'hui seront lus, comme souvent, par Daniel Königsberg. L'or. Les couleurs ont presque disparu de l'édifice, il est vrai. Il n'y reste que des pierres, mais que ces pierres parlent éloquemment. Comme elles proclament haut le génie, la force et la patience, le talent, la richesse et la puissance des Khmer Dum ou Cambodgiens d'autrefois. Qui nous dira le nom de ce Michel-Ange de l'Orient qui a conçu une pareille œuvre, en a coordonné toutes les parties avec l'art le plus admirable, en a surveillé l'exécution de la base au faîte, harmonisant l'infini et la variété des détails avec la grandeur de l'ensemble, et qui, non content encore, a semblé chercher partout des difficultés pour avoir la gloire de les surmonter et de confondre l'entendement des générations à venir. Lorsqu'au soleil couchant, mon ami et moi, nous parcourions lentement la superbe chaussée qui joint la colonnade au temple, où, assis en face du superbe monument principal, nous considérions, sans nous lasser jamais, ni de les voir, ni d'en parler, ces glorieux restes d'une civilisation qui n'est plus. Nous éprouvions au plus haut degré cette sorte de vénération, de saint respect que l'on ressent auprès des hommes de grand génie ou en présence de leur création. Mais en voyant d'un côté l'état de profonde barbarie des Cambodgiens actuels, de l'autre les preuves de la civilisation avancée de leurs ancêtres, il m'était impossible de voir dans les premiers autre chose que les descendants de Vandales, dont la rage s'était exercée sur les œuvres du peuple fondateur, et non la postérité de celui-ci. Voici, pourrait-on dire, un texte fondateur, un texte de fondation, de découverte, celui d'Henri Mouhot, donc dans un extrait du voyage dans les royaumes de Siam et de Cambodge et de Laos. Bonjour Séverine Yattar. Bonjour. Bonjour à vous Gabrielle Abbe. Bonjour. Bonjour à Amaury Laurin. Bonjour. Et bonjour à vous Pierre-Yves Manguin. Bonjour. Un texte qui est d'une certaine façon emblématique d'un certain regard porté sur ce qu'on va découvrir dans ce sud-est asiatique, plus largement par l'intermédiaire des travaux de l'École française d'Extrême-Orient. On n'est pas encore à la création de l'École française d'Extrême-Orient, on est à la découverte de ce site d'Angkor avec Henri Mouhot et avec des mots qui ressemblent beaucoup à ceux qui se rendent en tant que voyageurs en Grèce à la fin du XVIIIe siècle et qui considèrent que tout compte fait, qui sont ces barbares avilis qui n'ont pas entretenu le patrimoine de la grande Grèce antique d'une certaine façon. Et c'est un peu la même chose que dit Henri Mouhot dans ce texte, en tous les cas. Oui, c'est tout à fait ça. Il est l'un des premiers à l'avoir décrit, à en avoir fait la publicité, à rendre ce site médiatique en quelque sorte, et ça ne va pas cesser, puisque vous avez une page encore, deux pages entières du Monde, pas plus tard qu'hier soir, une émission sur la 5, hier soir aussi. Ça, encore est dépendant et encore le tourisme au Cambodge sont dépendants de ces médias, de ce discours. De ce discours, tout à fait. Et l'École française Extrême-Orient, dont on va probablement parler, là, a vécu de cette entreprise de mise au jour, de restauration, de de mise à disposition du tourisme, de ce monument absolument incommensurable qui est encore, qui est absolument gigantesque, qui est probablement un des plus grands du monde. Oui, et dans un contexte très particulier, puisqu'on est dans ce contexte de conquête coloniale de la péninsule indochinoise par les Français, mais on se trouve évidemment, comme toujours et comme souvent, en rivalité avec nos chers amis britanniques qui sont pas très loin, et évidemment, il faut souvent, dans ces cas-là, qu'il y ait des monuments emblématiques, et d'une certaine façon, à Maury-Lorrain, eh bien, encore est un de ces monuments emblématiques qui permettent à une puissance coloniale de se dire qu'elle est à la hauteur de la puissance coloniale voisine, qu'elle soit pour l'Indonésie la puissance coloniale hollandaise avec Borobudur, et ou encore pour la Birmanie, eh bien d'autres qui est sous la tutelle britannique, d'autres grands monuments de ce style. Oui, absolument. Et pour sortir du cadre cambodgien, ce qu'il faut noter, c'est qu'à l'échelle régionale de l'Asie du Sud-Est, eh bien les Britanniques en Birmanie, Restore Pagan en même temps, les Hollandais Borobudur à Java, et donc par site archéologique interposé, mais finalement, on a une rivalité impériale dans ce domaine comme dans d'autres domaines, hein, ces trois sites étant les sites de pèlerinage bouddhiste les plus prestigieux d'Asie du Sud-Est. Et donc on a une circulation des expériences coloniales, des pratiques archéologiques avec des influences heureuses dans certains cas. En situation coloniale. Des savoir-faire, pourrait-on dire, de rénovation, de travaux sur les monuments. Je pense à l'anastylose, sans être spécialiste technique de ces techniques. Et dans ce domaine archéologique, comme dans d'autres, hein, c'est un domaine de la rivalité impériale de la présence européenne en Asie du Sud-Est. Pierre-Yves Manguin, vous qui êtes spécialiste justement dans cette Asie du Sud-Est d'une autre partie, plutôt une partie justement en mer de Chine, c'est tout à fait évident que l'archéologie joue dans ces moments-là un rôle particulier, annexe pourrait-on dire, ou qui accompagne la conquête coloniale. Bien sûr, l'archéologie ou qu'on la pratique ne peut pas être isolée des sociétés dans lesquelles on va la pratiquer. Dans ce cadre-là, c'est un cadre colonial très spécifique, qui est celui de l'Indochine française, la création de l'Indochine française, puisque l'FAO est créé peu après la conquête de l'Indochine, finalement. Et ça donnera tout le disons la situation assez ambiguë de cette institution universitaire, puisqu'elle est d'abord universitaire, dans un cadre colonial qui sera la première phase de son histoire jusqu'aux années 50. C'est vrai. Alors, dans quelle mesure, peut-être à Maury-Lorrain, cette création aussi de l'FAO est due à un homme, Paul Doumer, qui est le gouverneur général à l'époque de l'Indochine, et bon, à une volonté, on l'a dit, politique. Il y a aussi cette idée de mission aussi civilisatrice, coloniale, traditionnelle, donc valoriser un patrimoine et éventuellement éduquer aussi, on le verra peut-être plus tard, justement avec la formation de l'école des arts cambodgiens, aussi la population. Oui. Alors tout d'abord, le contexte politique, c'est de s'intéresser davantage à l'étude des mœurs, de l'histoire des populations qui ont été colonisées. Et le sentiment qui prévaut, c'est que les Français se désintéressent de cette étude. C'est-à-dire, c'est le sentiment qui prévaut en France, en disant, les autres sont plus avancés que nous dans ce domaine de l'intérêt des arts traditionnels et de l'archéologie sur place. C'est évidemment discutable, mais enfin, le sentiment est cela. Comparativement, encore une fois, aux Britanniques, aux Hollandais, il y aurait un retard français qu'on peut discuter. Et donc cette mission archéologique, le modèle, c'est l'école française d'Athènes 1846 et l'école française de Rome d'autre part, 1875. Hein. Il s'agit donc de mieux connaître, de mettre en valeur en même temps que les richesses économiques, les richesses scientifiques et artistiques de l'Indochine. Donc simultanément à l'administration politique et la mise en valeur économique, donc cela intervient en même temps, et on peut lire que le travail de l'école intéresse directement la politique indochinoise et que la connaissance scientifique du pays et des hommes, ne soyons pas dupes, elle vise à mieux l'administrer aussi. Et donc l'école, d'entrée de jeu, par la force même des choses, si je puis dire, est un collaborateur immédiat du gouvernement de l'Indochine. Et donc Doumer, oui, c'est lui qui signe l'acte de naissance de l'école. La mission archéologique permanente d'abord, c'est voilà, ça ça se fait en deux temps. Une mission archéologique permanente en Indochine, 1898, qui est transformée en école française Extrême-Orient en 1900, pour lui donner un caractère plus pérenne. Alors il y a des controverses, c'est effectivement Doumer qui signe l'arrêté de naissance, mais enfin, cette institution a été demandée par d'autres. Dans un contexte, notamment le congrès des orientalistes en 1897. Auparavant, on a eu un comité archéologique qui a disparu précédemment la mission, et donc Doumer, qui est gouverneur général de l'Indochine pendant 5 ans. Peut-être quelques mots pour le présenter. Oui, allez-y. Rapidement, c'est un cursus honorum très long, 50 ans de carrière politique, naissance à Aurillac. Il finira président de la République, voilà. et sous les balles d'un terroriste dans les années 30. Assassiné le 6 mai 1932 par Gorgoulov. Une extraction modeste, un père cheminot, professeur de mathématiques, une entrée en politique par l'enseignement en République des professeurs de Thibaudet, par le journalisme, une entrée en politique par la franc-maçonnerie, tout ceci est très classique de la Troisième République. Député de l'Aisne, puis premier tournant, gouverneur général de l'Indochine pendant 5 ans. Perte de 4 de ses 5 fils en 14-18, l'autre grand tournant dans cette vie. Et puis en 31, élection à l'Élysée contre Aristide Briand. Et donc on va retrouver encore en 1931. À l'occasion de l'exposition coloniale, voilà. qu'il est chargé d'organiser et surtout d'inaugurer. Et évidemment, le temple d'Angkor, en particulier le temple d'Angkor Wat, avec sa reproduction dans le cadre de cette exposition coloniale, dira combien le Cambodge est attaché à la France et la France attachée à ce pays. On a souvent, Pierre-Yves Manguin, l'idée que dans ces années-là, disons entre 1850 et 1914, l'archéologue est aussi une personne qui pratique le renseignement, qui aide les services français, qui est aussi quelqu'un. C'est ce qu'on a souvent raconté, je ne sais pas si c'est vrai, mais ça fait partie aussi de cette idée-là, c'est-à-dire qu'il est en mission. Il est en mission de savoir et de connaissance, mais il est aussi en mission au service du pays qu'il envoie en mission d'une certaine façon. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a quelque chose de cela dans la naissance de cette école française d'Extrême-Orient ou pas du tout ? J'en ai pas l'impression. Hein. Je n'ai jamais vu ça apparaître dans les quelques documents que j'ai pu consulter. Il est certain que la mission de l'école, et c'est là où elle est un organisme colonial, elle gère le patrimoine de l'Indochine. Donc, elle émarge au budget colonial. Les universitaires qui sont choisis par l'université, par l'Académie des inscriptions et belles-lettres, et désignés par le gouverneur, mais quand même sur proposition de l'Académie, sont des universitaires, mais ils ont pour mission de gérer un patrimoine colonial, le patrimoine architectural, encore en particulier, et ils le feront donc en mission commandée. Ça n'est pas comme la DAFA, la délégation archéologique française en Afghanistan, qui rentre dans un contexte effectivement très, très tendu d'opposition entre les puissances coloniales dans cette région du monde, et qui est appelée par le roi, le souverain de l'époque, pour pouvoir justement faire la part entre la Russie et la Grande-Bretagne et que la France s'introduise dans ce contexte-là. Et évidemment, la DAFA est créée par quelqu'un qui sera aussi un agent de renseignement d'une certaine façon. La situation historique, la conjoncture historique n'est pas comparable. On est vraiment dans une colonie ou dans un protectorat français au Cambodge. La France, les FAO sera immanquablement attirée dans le domaine politique. Quand elle va défendre le retour des provinces de Siem Reap et de Battambang, où on va trouver encore en 1907, qui sont tombées aux mains du Siam, auparavant, elle jouera bien entendu un rôle politique d'expert, et c'est grâce à elle que ces provinces sont restituées au royaume Khmer, sous protectorat français, et qu'Angkor deviendra donc un objet. La perle, voilà, comme le dit Finot, la perle de, je ne sais plus, de l'Indochine, voilà, et dont les FAO a pour devoir de la mettre en valeur. En tout état de cause, avant la création de cette FAO, et après justement le récit de Mouhour, il y a une mission qui est mise en place, et la mission Mekong, donc, qui est menée par Doudard de Lagré, qui est sur place, en fait, une mission d'exploration, et il emmène avec lui notamment Louis de la Porte, qui va dessiner beaucoup de temples, justement, du site. La vue de ces ruines étranges me frappa, moi aussi, d'un vif étonnement. Je n'admirais pas moins la conception hardie et grandiose de ces monuments que l'harmonie parfaite de toutes leurs parties. L'Arc-Mer, issu du mélange de l'Inde et de la Chine épurée, ennoblie par des artistes qu'on pourrait appeler les Athéniens de l'Extrême-Orient, est resté en effet comme la plus belle expression du génie humain dans cette vaste partie de l'Asie qui s'étend de l'Indus au Pacifique. Il s'écarte, il est vrai, de ces grandes œuvres classiques du bassin de la Méditerranée qui pendant longtemps ont seul captivé notre admiration. Ce ne sont plus ces colonnades majestueuses, ces grandes surfaces calmes de la Grèce ou de l'Égypte. Ce sont, au contraire, des ruines laborieuses, complexes, tourmentées, superpositions, labyrinthes, retraits multiples, galeries basses à jour, tours dentelées, pyramides à étages et à flèches innombrables. Une profusion extrême d'ornements et de sculptures, des effets constants de clair et de sombre qui enrichissent les ensembles sans en altérer la majesté et s'harmonisent merveilleusement bien avec la lumière intense et la végétation luxuriante des régions tropicales. C'est en un mot une autre forme du beau. Un extrait lu par Daniel Königsberg du Voyage au Cambodge, le volume sur l'architecture khmère de Louis Delaporte, qui date de 1880. Gabriel Abbe, vous travaillez justement sur cette question de la perception par les colonisateurs, ceux qui vivent donc en Indochine française à l'époque, et plus particulièrement dans cette région du Cambodge, de ce qu'est l'art sur place. On voit bien qu'ils ont du mal à définir ce qu'est cet art khmère et cette découverte d'Angkor. Ils ont besoin d'analogies. Ce sont les Athéniens de l'Extrême-Orient, c'est le Versailles Khmer, etc., etc. Et que cette analogie est importante pour pouvoir se dire, on a quelque chose à la fois d'étrange et de différent, mais il faut dire la grandeur de ce bâtiment et de ces bâtiments pour pouvoir permettre à ceux qui sont en France à l'époque de percevoir l'importance de ce monument. Oui, alors je crois que dans la perception de l'art khmer, justement, il y a cette référence très importante à encore à l'idée d'une grandeur passée, mm-hmm. à l'idée d'un peuple déchu. Ça, c'est une idée qui est très répandue, qui date du 19e siècle, mais qui est répandue non seulement dans les milieux français, mais aussi dans les milieux palatiaux, parmi les élites cambodgiennes. Et justement, dans le programme de Georges Grolier sur lequel je travaille, mais je crois qu'il y a cette conjonction. Hein. Ce qui fait que ça fonctionne, c'est justement que il y a cette personne. Une sorte d'accord entre les colonisés et les colonisateurs sur cette idée qu'il y a eu un âge d'or, que cet âge d'or est derrière nous et qu'il y a donc à le valoriser, à le mettre en avant, comme montrant que justement la situation actuelle du pays n'a pas toujours été semblable d'une certaine façon, Gabriel Amon. Oui, voilà, exactement. En fait, il y a un intérêt général, hein, un intérêt du gouvernement général pour la restauration d'une identité khmère par les arts. Je crois que c'est quelque chose qui est très particulier au Cambodge, au sein de l'Indochine, avec l'idée que le Cambodge a souffert pendant très longtemps, et ça c'est une réalité, hein, de manière séculaire, de ses voisins, des incursions, des mises sous tutelle de ses voisins du Siam et du Vietnam, et qu'il serait aujourd'hui, donc au XIXe siècle, menacé d'une disparition culturelle. Et que ce serait la mission du protectorat français, justement, de permettre à ce pays de retrouver son identité perdue. Et vous dites que c'est particulier dans cette péninsule chinoise, c'est-à-dire que les Français ne voient pas la même chose pour la Nam, pour la Cochinchine, pour le Tonkin et pour le Cambodge en l'occurrence. Ce programme vraiment de rénovation des arts, avec l'idée du déclin, et à mon avis assez propre au Cambodge, justement du fait de cette situation particulière du Cambodge pris entre le Siam et le Vietnam, et c'est justement une façon de faire vivre le Cambodge et de lui redonner une importance au sein de l'Union indochinoise. Et d'ailleurs le résident supérieur Baudouin dit à ce propos, lorsqu'il écrit aux résidents, à tous les résidents du Cambodge en 1917, il dit « Vous savez tout l'intérêt que j'attache à la conservation et à la rénovation de l'art khmer, que je considère comme le seul moyen de maintenir au Cambodge une personnalité propre. » Je pense qu'il y a vraiment... Ouais, c'est très clair. Pierre-Yves Manguin et Amaury Laurin sur ce point. Oui, il faut voir, encore une fois, en revenir à la conjoncture historique, le Cambodge était en quelque sorte en voie de disparition quand la colonisation, c'est un des rares exemples où la colonisation a sauvé un pays plutôt que le détruire. Le Cambodge était phagocyté littéralement par deux grands États, le Vietnam d'un côté, le Siam de l'autre. D'où le fait que les provinces qui où se trouvent encore étaient aux mains des Siamois. Et c'est cette colonisation qui a permis au Cambodge de survivre jusqu'à aujourd'hui. Je pense que tous les historiens sont d'accord là-dessus. Ça, c'est déjà un point très important. Le Cambodge, en plus, n'avait d'intérêt économique que absolument mineur par rapport au Vietnam. Encore a pris une place absolument absolument démesurée dans ce débat. Amaury Laurent. Oui, et du coup, donc les Français, à travers l'école française Extrême-Orient et le gouvernement général, sont chargés de garder, sont gardiens des monuments historiques qu'ils sont chargés de protéger. Et en retour, l'école est un peu instrumentalisée ou récupérée comme la caution morale. On revient au contexte colonial de cette entreprise, hein, témoignage de la valeur humaine de la prétendue mission colonisatrice française. Et d'ailleurs, le terme de découverte peut également être discuté. Hein, c'est une redécouverte à proprement parler. Alors évidemment, il y a un côté sensationnel, romantique dans les découvertes. Mais des voyageurs portugais au XVIe siècle, on a ça dans les carnets de voyage, donc les Français au XIXe siècle redécouvrent. Et donc là, on a également un mythe, celui d'une cité qui aurait été perdue, oubliée. Recouverte par la végétation. Ouais. Alors qu'il y a eu des occupations siamoises, militaires, qu'il y a tout le temps eu des pèlerinages. Et donc ça, c'est Loti, c'est Claudel, Loti qui dédie son pèlerin d'Ancore à Paul Doumer. Et donc ce mythe de la découverte d'Ancore, l'acmé c'est 1931 avec l'exposition coloniale, mais cette dimension protectrice de l'FAO qui aurait sauvé Ancore d'une disparition, elle est très forte, elle a un sens politique très fort aussi. En tout état de cause, quand même, cette école va devenir un peu le bras scientifique sur place. Et donc, comment vont s'organiser alors les différentes nominations, les conservateurs, les missions en fait que va se donner cette école. Alors, on voyait déjà avec Doudard de Lagré un peu les prémices hein, dans la mission Mekong. Il se donnait une sorte de programme. Il fallait établir les sites, protéger lesquels, enfin cartographier un petit peu au maximum tout le travail à venir. Mais comment voilà cette école va être aussi gérée d'un point de vue institutionnel et intellectuel d'une certaine manière, parce que les premiers explorateurs sont plutôt des militaires sur place. Après on verra des architectes, des peintres, des photographes, des géologues venir sur place. Pierre-Yves Manguin. Oui, l'école. Avant l'école, il y a d'abord eu un intérêt. Il y a eu des agents qui étaient des coloniaux, qui étaient des entrepreneurs, des planteurs, etc., qui auraient voulu fonder une société savante, un peu comme la société batavienne, qui avait déjà un siècle d'existence aux Indes néerlandaises. Et ça a été littéralement cannibalisé par l'université française, puisqu'on a des gens comme Barthes, comme Berghain, qui s'étaient déjà penchés sur les inscriptions sanscrites du Cambodge, qui ont adopté ce projet, l'ont défendu auprès de Doumer, auprès d'autres institutions, et c'est l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres qui fondera finalement l'école. Elle gardera le contrôle, pour répondre à votre question, elle va garder le contrôle scientifique de cette école jusqu'au bout, jusqu'à aujourd'hui, puisque l'école est encore sous le contrôle scientifique de l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres. C'est donc les choix se sont faits au sein de ce milieu scientifique, pour l'essentiel. Alors, bien entendu, en accord avec des budgets du gouvernement colonial, et certainement en répondant à des demandes spécifiques du budget colonial aussi. Puisque vous évoquez le nom d'Auguste Barthes, un extrait d'une lettre d'Auguste Barthes qui date de 1900, lue par Daniel Königsberg. Avec l'aide de vos collaborateurs, continuant l'œuvre de M. Émonier, vous dresserez l'inventaire et la carte archéologique de Tanam et du Cambodge. Vous estampez les inscriptions, dont il est de toute nécessité que l'école possède la série complète. Vous faites rechercher et copier ce qui subsiste des littératures khmères et cham. Vous recueillez les coutumes des tribus aborigènes, les vocabulaires et les grammaires de leur langue, ce qui, soit dit en passant, vous placera bientôt en présence du problème compliqué des transcriptions. Vous préparez ainsi l'élaboration de la philologie et de l'ethnographie de l'Indochine française, toutes deux encore à peine ébauchées, et que c'est la mission de l'école de constituer. En même temps, vous créez une bibliothèque et un musée vraiment digne du nom, formé non pas au hasard pour l'apparat ou pour la curiosité, mais avec méthode et en vue du travail. On ne verra plus dispersés dans les résidences ou envoyés au musée Guillemets des morceaux dépareillés et partant sans valeur. L'Indochine conservera ses richesses. Et vos collections qui, en fait de pièces originales, ne recueilleront que ce qui autrement serait destiné à périr, ne seront pas obtenues au prix de pillages et de la dévastation des monuments. Non seulement vous ne démolirez pas, vous préserverez et conserverez, mais vous ne restaurerez pas ce qui, de toutes les formes du vandalisme, est d'ordinaire la pire. Il ne faut pas que le temple vieux neuf de Bodh Gaya ait son pendant au Cambodge. Est-il permis d'espérer que votre vigilance sous ce rapport pourra s'étendre à des monuments situés en un territoire qui ne nous appartient pas, mais où, si je ne me trompe, nous avons des droits de police, et que les temples d'Angkor ne seront plus exploités comme une carrière par de soi-disant archéologues, ainsi qu'ils l'ont été tout récemment, dit-on, au grand scandale des indigènes. France Culture, La Fabrique de l'Histoire, Emmanuel Laurentin. Une émission dans laquelle nous parlons, dans le cadre d'une semaine consacrée au Cambodge, de la découverte du temple d'Angkor et de son exploitation à la fois archéologique mais également commerciale sous la tutelle de l'Indochine française, Séverine Yatta. On voit bien aussi à travers ce texte. Alors, est-ce que Barthes rompt un peu avec les précédents commanditaires, initiateurs ou encore, quand il dit qu'il y a aussi cette idée, il n'y a pas que le bâti, il n'y a pas que les pierres, évidemment, il faut faire toute une étude de la société khmer, que ça va de la linguistique à l'ethnologie, en passant évidemment par les littératures, la danse, la culture en général, ce qui était peut-être auparavant, méprisé ou qui avait peu d'intérêt en tous les cas pour la société coloniale. Pierre-Yves Manguin, puis Amaury Laurin. Oui, c'est un débat qui a continué longtemps. On revient toujours à cette démesure du site d'Angkor qui phagocyte les budgets, l'attention, les médias, etc. Mais ce débat était absolument essentiel. On avait déjà quelqu'un comme Émonier qui a joué un rôle important aussi, qui était directeur de l'école coloniale, je crois, qui a été très critiqué par les vrais sens critistes de l'université, lui reprochant de très mal traduire toutes ces inscriptions. Lui connaissait très bien la société khmer dans laquelle il était déjà plongé. Ce débat continuera. L'université aura le dessus quand même. Et jusqu'à aujourd'hui, le bulletin de l'école française extrêmement publie, ça sortira de presse la semaine prochaine, un énorme dossier sur les inscriptions du Cambodge. Mmh. Ça n'a pas de fin. Amaury Laurin. Oui, encore une fois, il s'agit de mieux connaître les populations pour mieux les administrer. Ne soyons pas dupes sur l'objectif. C'est une volonté politique. Clairement. Absolument. Et ce qu'on peut noter dans l'organisation, toujours en revenant sur la dimension coloniale de l'institution, c'est que cette dimension est renforcée par le fait que ce sont des coulis khmer qui sont réquisitionnés contre leur gré. Et ce sont eux qui assurent les travaux dantesques de restauration, d'une part. Et d'autre part, il faut attendre 1939 pour qu'un décret du président de la République, c'est Lebrun, à ce moment-là, autorise l'école à recruter des Indochinois parmi son personnel scientifique. Et donc cette tâche originelle coloniale, c'est évidemment le contexte, va longtemps, non pas coller à la peau de l'institution, mais dans les premières décennies de ses travaux... lui assurer cette réputation. Toujours sur l'organisation, il y a eu des critiques qui ont désigné Doumer, le fondateur, comme... Celui sur qui vous avez fait votre thèse, donc vous le connaissez bien. Oui, je le connais un petit peu. On l'a désigné comme le responsable de l'agonie culturelle indochinoise. On l'a stigmatisé comme un gouverneur inculte, qui aurait été indifférent à ce qui concernait pas le fisc. Dans la presse indochinoise, on peut lire que Doumer ne croit pas en l'âme indochinoise, pour prolonger ce qui vient d'être dit, et que tout ce qui subsiste en Indochine, objet de respect même pour les barbares, je cite c'est la presse indochinoise, cela, Doumer l'aurait détruit, donc évidemment la fondation de l'école contredit ce jugement. Et ce qu'on peut noter également, c'est qu'en 31, une fois à l'Élysée, un des premiers décrets de Doumer, c'est de transformer l'école, d'en faire un établissement public avec personnalité civile. Il fait ça dans les premiers jours suivant son élection à l'Élysée en 1931. Oui, Pierre-Yves Manguin, vous vouliez ajouter quelque chose ? Non, je pense que... Encore une fois, certains gouverneurs comme Doumer ont une approche éclairée, sont proches du monde des savants, sont des gens éclairés. On a un gouverneur comme Pasquier, je crois, dans les années 30, qui, lui, s'étonnera que nous, je mets à sa place, je n'ai pas la citation tout à fait en tête, je la paraphrase, nous, Gaulois, illuminés par Rome, ayons à mettre en valeur ces civilisations bien antérieures aux nôtres et bien plus civilisées que nous, finalement. Alors, vous évoquiez Doumer, son ancien sous-chef de cabinet, Louis Salin, écrit en 1903, je crois, ce qui était dans la tête, justement, de Doumer pour la création de cette école française d'Extrême-Orient, un extrait lu par Daniel Königsberg. Le travail de l'école intéresse directement notre politique indochinoise. la connaissance de l'histoire de l'Indochine est indispensable à des gouvernants européens que tout sépare d'un tel passé et qui sont exposés à commettre de bonne foi de continuelles erreurs d'appréciation et de décision pour n'en avoir pas assez tenu compte. L'exercice du pouvoir protecteur en Indochine risquerait de tomber dans les fautes ordinaires au pouvoir absolu s'il n'était continuellement et prudemment guidé par le seul guide qui soit sûr, la connaissance scientifique du pays et des hommes dont il a la charge. L'école est donc, par la force même des choses, un collaborateur immédiat du gouvernement. Nous n'entendons nullement bâtir ici une chapelle close desservie par quelques initiés, mais une maison aux larges portes ouvertes à tous ceux que ne sollicite pas exclusivement l'intérêt de l'heure, mais qui gardent le goût des recherches désintéressées et la préoccupation des choses de l'esprit. Il n'y a d'ailleurs que des esprits superficiels pour juger ces choses inutiles. Elles sont, au contraire, indispensables. À tous ceux qui exercent, à quelque degré, au nom d'une civilisation supérieure, la tutelle de populations sujettes. Pris dans son sens élevé, l'art de gouverner implique aussi bien la conscience du passé que la prescience de l'avenir. Un extrait de Louis Salin, donc, dans un texte paru dans l'Indochine en 1903, Séverine Yatard. Dans ce travail qui est décidé en tous les cas sur le site, il faut fouiller, reconstruire, explorer, chercher. Il y a des guides aussi qui commencent à être mis un petit peu en place. Donc il y a à la fois une sorte d'exploitation scientifique entre guillemets du site, et puis bientôt on va voir aussi qu'il va y avoir une exploitation touristique qui va évidemment survenir, et dans tout l'intérêt justement de la société coloniale, c'est-à-dire que la France, les gouverneurs, etc., voient la nécessité et tout l'apport aussi que ce site peut susciter d'un point de vue économique et touristique. Amaury Laurin, puis Gabriel Ham. Oui, effectivement, il y a une mise en valeur dans tout le sens polysémique de l'expression, avec des publicistes qui font un travail, et donc c'est là que le mythe de la découverte fonctionne à plein. Et donc l'acmé de cela... Et là, des grandes affiches à Paris, sur Angkor, pour s'y rendre d'une certaine façon. L'exposition coloniale en 1931, c'est le... Ah, ça, c'est le sommet, mais même avant, dans les années 20, on a déjà des petites choses. Des cartes postales, des encriers qui reproduisent Angkor Wat. 1931, c'est quand même 8 millions de visiteurs, c'est considérable. Hein, la plus importante manifestation au XXe siècle, après l'exposition universelle de 1900. Donc ce mythe fonctionne à plein, effectivement. Et l'autre jalon... 10 ans après la fondation de l'école, c'est la création de la conservation des monuments d'Angkor, 1908, hein, c'est son titre complet. Et donc à partir de ce moment-là, le travail d'inventaire est systématisé. Et donc finalement, on a une association très étroite entre l'école et le chantier, à l'origine d'une saga archéologique qui continue encore aujourd'hui. Oui, on voit bien, et on a cette impression en vous lisant tous, Gabriel Ham, qu'il y a dans ces années entre 1898 et mettons la fin de la Première Guerre mondiale, une sorte de bouillonnement d'initiatives, des idées qui naissent, à la fois sur cette exploitation que vient de mentionner Séverine, à la fois archéologique et un peu commerciale de ce site d'Angkor, mais aussi sur cette idée que dans la préservation, pourrait-on dire, de ce site, il y a aussi des possibilités d'administration nouvelle et aussi, vous l'aviez mentionné tout à l'heure, de préservation d'une culture en train de disparaître. On n'est pas très éloigné des discours du 19e siècle en France ou de l'entreprise de ceux qui lancent les archives de la parole à la même époque, du côté de l'université de la Sorbonne, qui pensent que en France, sur le territoire français, eh bien, les accents sont en train de disparaître, toute une culture populaire est en train de disparaître, et qu'il faut les enregistrer avant que cela ne disparaisse. Et là, il y a cette idée de conservatoire des pratiques. On parlerait aujourd'hui, du côté de l'UNESCO, de patrimoine immatériel, d'une certaine façon, Gabriel Ham. Oui, tout à fait. Alors, sur le premier point, je voulais juste... On va rebondir sur ce que disait aussi Pierre-Yves tout à l'heure, c'est-à-dire qu'au moment de l'établissement du protectorat sur le Cambodge, le Cambodge ne présente pas du tout les mêmes ressources que le Vietnam, par exemple. Et c'est justement à partir de 1907 et de la rétrocession des territoires de Battambang, Kisopon et Siem Reap, dans lesquels on trouve encore, que le Cambodge va vraiment trouver son importance. Donc là, je crois... Aux yeux des colonisateurs. Aux yeux des colonisateurs, oui, c'est-à-dire que... Voilà, il y a cette pas justification, mais enfin, on va pouvoir certains mots, utiliser cette colonie. Voilà, elle va vraiment trouver son importance. Et donc, le développement du tourisme se fait quand même assez rapidement. Et il ne faut pas attendre 1931 pour voir le Cambodge représenter l'Indochine sur la scène internationale. Je crois que dès 1906, à l'exposition de Marseille, la venue des danseuses en France, enfin, il y a quand même beaucoup d'autres choses très, très importantes. Et donc ça, je crois que c'est assez rapide. Et évidemment, l'exploitation touristique va être quand même un gros... Enfin, évidemment, il y a l'exploitation scientifique, mais enfin, il ne faut pas se leurrer. Il y a, mais les deux fusionnent, on a l'impression que les FEO, du coup, ils se nourrissent l'un de l'autre. Absolument, les FEO est tout aussi dépendante culturellement du Cambodge que le Cambodge l'est de l'FEO jusqu'à aujourd'hui. Si vous montez l'escalier majestueux de l'hôtel particulier dans lequel est logé l'FEO, il y a une plaque en l'honneur du roi Sihanouk, qui a été inauguré par son fils, le roi Sihamoni, et ça a continué, ça continue encore, d'une certaine façon, puisque c'est notre accès aux médias, c'est encore pour les FEO. Juste une chose que je voulais dire, pour revenir à ce que vous disiez, il y a une très bonne historienne de cette période du Cambodge, et qui a montré comment l'idée d'une nation cambodgienne est née, qui est Penny Edwards, et qui a comparé encore au Taj Mahal en Inde, et qui a, avec beaucoup d'humour, qui a parlé de Taj encore. Alors, Maurice Durin. Et puis, alors, sur le voyage à encore, d'un point de vue touristique, va devenir une espèce de voyage obligé très rapidement, effectivement. Et puis, alors, il y a une affaire qui va contribuer au mythe d'encore, c'est l'affaire Malraux. 1923, André Malraux et son épouse Clara vont à encore. Malraux va surnommer l'école facétieuse d'Extrême-Orient, ce qui ne va pas l'empêcher donc d'effectuer des prélèvements sur les bas-reliefs de Bantay Srey. Légèrement important, je me rendais pas compte, c'était 600 kilos quand même. Ah oui, c'était pas... C'est pas un petit prélèvement, il part pas avec une tête de Bouddha Sous le bras. Sous le bras. Le futur ministre de la Culture du général de Gaulle. Et donc l'affaire provoque un tollé. Malraux est arrêté, il est condamné à 3 ans de prison ferme. Finalement, il est libre de rentrer à Paris. Il y a un arrangement diplomatique cette aventure va inspirer la voie royale en 1930. Mais cette affaire, dans les années 20, va également contribuer au mythe d'encore. Et acteur essentiel de cette affaire, celui sur lequel vous travaillez particulièrement, il s'appelle Georges Grolier. Il a été nommé par un successeur de Paul Doumer, à savoir Albert Sarrault, pour créer une nouvelle école d'art à Phnom Penh. Albert Sarrault a fait appel au premier enfant, j'ai découvert ça en vous lisant, premier enfant français né au Cambodge en 1887, juste après la colonisation. Et il s'appelle Georges Grolier, il est fils d'un administrateur de service civil au Cambodge. Et il va jouer un rôle très important jusqu'en 1944, au moment où il est démis par les autorités d'occupation, et sa mort sous la torture en 1945, je crois. Il va jouer un rôle très important parce qu'on a l'impression que c'est un homme carrefour, il y en a quelques-uns comme ça, par lequel passent différentes initiatives de conservation, d'inventaire, de préservation de l'art khmer, et c'est celui sur lequel vous travaillez, Gabrielle Hamm. Exactement, alors si je peux revenir une minute sur son programme. En fait, il est chargé en 1917 d'une mission par le gouverneur général. Il doit étudier les questions qui sont soulevées par la création d'une école d'art. Donc au départ, c'est simplement une école d'art. Alors il se trouve qu'il est, par des liens familiaux, assez proche d'Albert Sarrault et qu'il est en 1916 sur le front en Roumanie. Donc il semblerait que ce soit aussi une façon de l'extraire de la guerre et de pouvoir... Voilà. Donc on l'appelle en Indochine. Non, mais on l'appelle en Indochine avec une mission qui est du coup amusante parce qu'il est à la fois chargé d'une mission d'aviation et de la création d'une école d'art. Donc c'est intéressant. Et il va remettre un rapport en juillet 1917. Et pourquoi Gabriela, dans le charge de cette mission, pourquoi à ce moment-là, on pense qu'il faut justement monter une école d'art au Cambodge? Alors, c'est une histoire un peu longue, mais il y a différentes initiatives qui ont été prises. Il y a une manufacture royale des arts. En fait, on a extrait les ateliers, enfin les artisans du palais. Et donc, il y a déjà une initiative royale. C'est le Colbertiste au Cambodge. Il y a vraiment une conjonction entre le palais et les autorités coloniales, une volonté de créer une école d'art et en fait d'extraire l'art des travaux pratiques. Voilà. Et donc, Grolier va aller beaucoup plus loin que la création d'une école d'art. En fait, il va donc rendre un rapport dans lequel il fait le constat, un constat absolument dramatique, de la disparition totale des arts traditionnels. Donc, on est dans ce ce que vous disiez tout à l'heure, vraiment dans ce contexte aussi du 19e, voilà, de l'idée de la perte, et puis surtout de l'idée de l'importance, et c'est là que Grolier va sans doute s'opposer, à mon avis, souvent à l'EFEO. Certes, l'importance des monuments, l'importance de l'archéologie, mais l'importance de la création contemporaine, l'importance des traditions. Et d'ailleurs, dans la définition qu'il donne des arts au Cambodge, effectivement, on trouve plein de choses qui sont aujourd'hui dans la définition du patrimoine immatériel. Comme vous le disiez tout à l'heure, c'est d'ailleurs... Il s'oppose à l'EFEO, mais puisque le thème, c'est justement la création de cette école française d'Extrême-Orient, il en est tout de même à un moment délégué. Oui. Donc, il est à la fois... Enfin, c'est là où je dis que c'est un homme carrefour, parce que quand on vous lit, il supervise les moulages, les photos, les cartes postales qui font la propagande du Cambodge, il est délégué de l'EFEO, il est très impliqué... dans la lutte contre les hauts fonctionnaires collectionneurs, c'est comme ça qu'il les nomme, qui récupèrent à Angkor ou ailleurs des œuvres d'art anciennes. Oui. Et c'est à ce titre-là qu'il rejoint le cas Malraux évoqué par Amaury Leroux tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il sera un des acteurs principaux du procès de Malraux pour ce vol d'œuvres d'art. Effectivement, il est délégué de l'EFEO de 1920 à 1944, et c'est à ce titre qu'il intervient pour faire arrêter Malraux, et quand je dis pour faire arrêter Malraux, c'est vraiment physiquement, vraiment le faire arrêter. C'est-à-dire que Malraux est surveillé, etc. Et quand on se rend compte qu'il y a 600 kilos d'œuvres dans ses malles, eh bien c'est Grolier qui va en personne, en voiture, l'arrêter, puisque là il y a une histoire un petit peu compliquée, mais rocambolesque. Oui, rocambolesque, mais vis-à-vis de l'EFEO un petit peu compliqué, puisque Henri Parmentier est injoignable. Or, on sait qu'Henri Parmentier était quand même avait visiblement été assez séduit, en tout cas par Malraux, ce qui n'était pas le cas de tout le monde. Donc, c'est vraiment Grolier. C'était le cas aussi de Victor Goloubev. J'ai beaucoup aimé ce que dit Victor Goloubev de Malraux quand il le découvre, le couple Malraux. Et il parle de Malraux en disant ce qu'il parle, il parle beaucoup. Il tourne souvent à l'aphorisme stérile. Mmh. Je me demande si ce jeune homme, si observateur et si richement doué d'esprit critique, deviendra jamais un savant. On sait qu'il n'est pas un savant, en tout cas au sens universitaire du terme, en l'occurrence. Mais donc, c'est Georges Grolier qui l'arrête. C'est Georges Grolier qui intervient, qui envoie les télégrammes, qui fait en sorte. Qui a un procès. Et c'est aussi lui, en quelque sorte, qui lui rend service, puisque dans un premier rapport, donc il va sur place, il constate les dégradations, il rapatrie les pièces au musée de Phnom Penh. Elles sont étudiées au musée de Phnom Penh. Ensuite, elles ont été remises sur place, mais elles ont un temps transité par le musée. Mais dans son rapport, il dit que le temple est classé, et puis en fait, il se rend compte que non. Et donc ça, c'est quelque chose qui va servir d'argument au moment du procès. Le temple n'est pas classé, c'est un autre Bantaisrei qui est classé. Ça va. En tous les cas, il y a cette volonté chez Grolier, Gabriel Abbe, d'inventorier évidemment les arts cambodgiens, et par là même de les définir et de donner une définition de l'art différent de notre perception, de la perception occidentale du moment. Et ça, c'est important. Enfin, il y a la question de la création, la question de l'objet utile ou non. Enfin, il y a toutes ces problématiques-là qu'il va essayer de discerner un peu, d'éclairer en tous les cas. Oui, exactement. C'est-à-dire que quand il s'agit de créer l'école d'art, eh bien, il doit aussi déterminer ce que l'on va enseigner. Il propose donc une définition de l'art khmer. Et on se rend compte dans ses écrits, il a énormément écrit, des romans, beaucoup d'articles. Et on se rend compte dans ses écrits que ce qu'il définit comme étant l'art khmer, c'est finalement l'art angkorien. C'est l'art du XIIe siècle. Donc il y a toujours cette idée d'un retour à un âge d'or. Mais il essaye aussi de faire valoir les objets ethnographiques, la création contemporaine, mais avec toujours, au sein de l'école par exemple, avec toujours sous les yeux l'art angkorien. Ce qui est étonnant, ce que vous racontez bien, Gabriel Abbe, c'est comment en fait ce personnage, au bout du compte, va décider de ce qu'est le vrai art khmer, d'une certaine façon, vu de du promontoire qui est le sien, de l'endroit où il se trouve, il va dire, il faut recopier justement ces choses-là pour pouvoir faire un art khmer qui se tienne d'une certaine façon. Pierre-Yves Monguin. Oui, en ce sens, il est prescripteur, ce que l'EFEO en principe n'est pas, mais elle le sera au Cambodge en particulier, elle le sera parce qu'elle prendra en main une autre partie de la culture khmer par la création de l'institut bouddhique et de elle va prescrire littéralement ce que doit être un bouddhisme khmer en préservant ses manuscrits, en préservant ses textes, en les publiant, en les faisant publier, en formant les moines qui seront les patriarches de l'Église, enfin de la communauté bouddhique mère jusqu'aux années 70, jusqu'aux Khmer Rouges, elle va littéralement prescrire. Il y a là des personnages absolument extraordinaires comme Suzanne Carpelès qui a pris ça à cœur, qui a dirigé ces institutions et qui va, en plus, c'est très politique parce qu'elle va le différencier du bouddhisme pratiqué au Siam, qui était amené à coloniser en quelque sorte. Oui, avec cette idée qu'il y a vraiment une identité khmer, voilà. Et que cette identité khmer, on va la construire, enfin on va la préserver, et en même temps, en la préservant, on va la construire, puisqu'on va la figer, pourrait-on dire, dans une sorte de marbre des... La codifier. Et en ce sens, c'est là, il me semble, l'un des domaines dans lequel les FEO a passé la ligne rouge de l'université à la politique. À l'action politique. Un extrait d'un texte de Georges Grolier, L'enseignement et la mise en pratique des arts indigènes au Cambodge, en 1931, nous est lu par Daniel Königsberg. En conséquence, la doctrine du service des arts cambodgiens pouvait se résumer ainsi. Les arts indigènes sont à reprendre dans leur pratique traditionnelle et dans leur écoulement. À suivre et à protéger depuis le village où ils s'élaborent jusque chez l'amateur, quel qu'il soit. Équiper au Cambodge un artisanat sans lui garantir la clientèle qu'il est impuissant à trouver tout seul et sans laquelle son art et lui ne peuvent vivre, ce qui est surabondamment démontré, serait entreprise caduque. Donc le but cherché est à atteindre par le fonctionnement simultané, premièrement, d'un musée où l'art soit représenté par les plus beaux exemples que renferme encore le pays. Deuxièmement, d'une école où la main-d'œuvre soit formée par un patronat indigène et numériquement en fonction de la clientèle. Troisièmement, d'un office officiel de vente et de propagande où la production sélectionnée de l'artisanat soit mise à la disposition du public avec toutes les garanties artistiques et commerciales nécessaires. Ces trois organismes placés sous une direction unique et responsable, chargés de régler la cohésion de leur fonctionnement et d'établir un équilibre perpétuel entre la demande et la production. Voilà donc ce que disait Georges Grolier, mais tout de même, il faut se souvenir aussi, et Pierre Singer-Avelou, qui a travaillé sur ce sujet, me le rappelait encore hier, il faut se souvenir aussi que Georges Grolier est à l'origine d'une loi qui autorise les autorités à vendre des objets d'art anciens pour préserver le patrimoine, c'est-à-dire de se dire tout compte fait, les touristes viennent piquer sur les temples, plutôt que ce soit les touristes, faisons en sorte que ce soit nous qui les vendions, et d'une certaine façon de financer une partie des activités de l'école française d'Extrême-Orient par cet intermédiaire-là aussi. Ça fait partie aussi de cette ambiguïté de ces années 30, en l'occurrence. On poursuit Malraux pour ce pillage, mais on se dit tout compte fait, si on contrôle le pillage, ça serait peut-être un peu mieux, si on contrôle le commerce, en l'occurrence, de ces œuvres d'art. Oui, effectivement. Alors en l'occurrence, c'est pas les années 30, c'est les années 20 et 1923 pour la loi qui autorise cette vente. Je crois que c'est important de rappeler que c'est vraiment une initiative, en tout cas d'après ce que j'ai vu dans les archives, de Georges Grolier. Ça n'est pas l'école française. Ça n'est pas du tout une initiative de l'école française d'Extrême-Orient. D'ailleurs, Georges Grolier le propose dès 1921. Il revient à la charge en 1923 et on voit que pendant toutes ces années, l'FEO ne veut pas. L'FEO dit non, c'est extrêmement dangereux, on n'est pas là pour ça, on ne peut pas, avec aussi l'idée de... Qu'est-ce qu'on va penser de nous si on fait ça? Oui. Voilà. Bon, il faut bien le dire. Ben oui, mais aussi une certaine. Oui, parce que le principe de base, c'est tout de même la conservation. Donc voilà. On se dit, si on conserve, on ne peut pas vendre non plus. Oui, mais Georges Grolier arrive quand même à convaincre les FEO qu'il s'agit d'une mesure de protection. Avec l'idée au début, réellement, qu'on va vendre des toutes petites choses, des petits tessons, des choses que les gens ramasseraient par terre. Alors, il s'avère que ça a évolué, qu'on est passé de petits fragments de mains informes qui coûtaient une piastre à des très belles pièces. Et que celui qui, d'une certaine façon, condamnait les fonctionnaires collectionneurs, d'un seul coup, se devient le protecteur de ces fonctionnaires collectionneurs par cette loi, par cette façon dont il a de promouvoir ce commerce. Non, c'est pas exactement la même chose, parce que là, il y a quand même un contrôle. Ouais. Il y a même un triple contrôle. Le résident supérieur accepte les listes de pièces qui sont déclassées, le directeur de l'FEO, etc. aussi. Je crois, par ailleurs, qu'il est un peu facile, excusez-moi, d'être très polémique sur ce sujet, qu'on l'a souvent été, mais qu'il faut quand même faire une véritable étude, que je suis justement en train de faire, sur on l'attend, réalité des pièces qui ont été vendues. Mais parallèlement, Grolier aussi veut, par l'intermédiaire de cette école d'art, que justement cet art puisse être reproduit pour être vendu. Oui. Et qu'il soit reproduit de belle manière, enfin, que ce ne soit pas justement de la pacotille. Donc oui. Il a un double, fois pour aussi que ne soit pas pillé ce site. En fait, dans l'entreprise de Grelier, excusez-moi. Il y a vraiment cette idée de conservation, de transmission, mais aussi de diffusion, effectivement. Il dit, je suis persuadée que si les touristes ramènent chez eux, voilà, on parlera du Cambodge partout, et donc ce sera très très bien. Mais il y a une vraie volonté économique, et donc ça passe par le moulage, par la photographie, mais aussi par les ventes. Pierre-Yves Manguin. Oui, Georges Grelier a eu une action assez coordonnée, enfin il est assez cohérente tout au long de sa vie finalement. Il a un peu entraîné l'école, comme je viens de le dire, dans cette aventure, ce qui lui a valu beaucoup de critiques plus tard, jusqu'à ce qu'on cesse de vendre des pièces dans les années 40, je crois. Un petit peu, oui, enfin, Grelier était déjà mort. Oui, Grelier était déjà mort à l'époque, oui. D'autres pièces partiront sous Vichy pour peupler une cave d'un des musées de Tokyo, envoyée par Golubiev en particulier. Oui. Une belle collection dont, qui reste encore très secrète aujourd'hui. Ce qui me semble important dans le rôle de Grelier aussi, c'est qu'il est un des premiers, même si son modèle était le modèle ancorien, il est un des premiers à avoir ouvert un peu ce débat entre une science savante, celle des indianistes, des sinologues aussi qui travaillent sur le Vietnam, et qui ne se préoccupe finalement assez peu de la société elle-même. Grelier, lui, s'intéressera aux arts populaires, à l'ethnographie, etc. Et c'est ce qu'on reprochera beaucoup à l'FAO très tard. C'est en gros le débat entre les orientalistes et les sociologues. On a un Paul Mus à l'FAO qui est plutôt dans la mouvance de Durkheim, qui va essayer de secouer un peu le cocotier, mais ça ne marchera pas très bien. Il quittera l'FAO. Et dans les années 60, Cédès encore à l'Académie, parle des sociologues, ils sentent le soufre, littéralement encore. Merci de nous avoir raconté les prémices justement de cette école française Extrême-Orient, très liée, on l'a compris en vous écoutant tous les trois et en écoutant les textes lus par Daniel Königsberg, combien justement cette école française Extrême-Orient était liée à ce destin de la France en Indochine française et en particulier au Cambodge et plus particulièrement à ce site d'Angkor dont on a beaucoup parlé dans cette émission. Merci Séverine Yattard, merci à vous Daniel Königsberg, merci à Maurice Laurin, Pierre-Yves Manguin et vous Gabriel Hab d'être venu à cette émission. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Marie-Vonne Abolivier et Aurélie Marcet. La technique était assurée aujourd'hui par Jean-Frédéric. C'est la réalisation par Séverine Cassin. Vous pouvez écouter cette émission pendant 1000 jours sur le site. Vous pouvez la télécharger dans l'année qui suit sa diffusion. Vous pouvez laisser des commentaires, ne vous gênez pas, sur toute cette série, mais également sur cette émission sur le site, donc www.franceculture.fr à la page de la Fabrique de l'Histoire ou encore sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire. Demain, nous nous décentrerons. Nous avons pour invité dans notre rendez-vous habituel les rencontres du jeu de paume à Versailles une personnalité politique internationale, Michaël Jean, secrétaire de la francophonie d'origine haïtienne qui a vécu longtemps et qui est de nationalité canadienne et qui dirige depuis un an cette institution internationale. Elle nous parlera de cet imaginaire historique qui est le sien.